Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Juliette, veux-tu être ma femme? Non. Je suis sûre que je saurais te rendre heureuse. Non, faut pas. De quoi as-tu peur? De moi. Mais t'es pas plus mauvaise qu'une autre. Au contraire. Tu me connais pas. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur la naissance d'une passion française, Brigitte Bardot. Depuis le film « Et Dieu créa la femme » de Roger Vadim, sorti en salle en décembre 1956, l'actrice est à la fois l'incarnation du scandale, de la liberté et l'une des plus grandes stars françaises. Au point que Roland Barthes lui consacre l'une de ses mythologies dès 1957. Pourtant, Brigitte Bardot n'a jamais rêvé d'être une vedette de cinéma. Plus que l'éclosion d'un talent, son succès est aussi et surtout l'aboutissement de 8 années d'efforts de son mari d'alors, Roger Vadim, pour en faire une grande actrice, telle un Pygmalion avec sa Galatée. Dans « Et Dieu créa la femme », Vadim tresse un portrait de femme audacieuse, torride, une femme à la fois ingénue et fatale, qu'il déshabille devant la caméra. Le couple légendaire va provoquer un big bang dans l'histoire du cinéma et de la société puritaine des années 50. Il ouvre la voie aux réalisateurs de la nouvelle vague et à la révolution sexuelle de mai 68. Notre invité aujourd'hui, Clément Gis, journaliste cinéma pour M, le magazine du Monde, auteur du roman intitulé Vadim, le plaisir sans remords, édité aux éditions Stock en 2017. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Héloïse Davio, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio et David Jacoboviez. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Qu'est-ce qui t'arrive? Vous voyez pas que je m'amuse? Alors viens, ça suffit. Vous connaissez un pays où les gens ne pensent qu'à danser et à rire? Je vais t'y amener. C'est loin. De l'autre côté de la terre. Je voudrais ne plus penser à rien. C'est pour ça que je suis ici, Juliette. C'est une scène mythique du cinéma français, du film « Et Dieu créa la femme » de Roger Vadim. À l'écran, Brigitte Bardot apparaît pieds nus, une longue jupe verte entièrement fendue, body moulant noir, une longue crinière blonde et sauvage, avec dans le regard une flamme, à la fois désespérée et déterminée. Elle joue avec sa jupe, accélère, saute sur une table, secoue ses hanches, laissant apparaître ses jambes nues, saute sur le carrelage, puis caresse la jambe droite de sa fine cheville jusqu'à sa cuisse ferme de danseuse, sous le regard à la fois écœuré et désireux de son mari, joué par Jean-Louis Trintignant. Oui, elle se dérange, Brigitte Bardot, jusqu'à entrer dans une transe sensuelle. Image scandaleuse d'une jeune femme libre, objet de désir, qui assume son corps et sa sexualité. « Je ne jouais pas, j'étais », aurait déclaré Bardot au sujet de cette scène. Cet extrait de « Et Dieu créa la femme » est bien plus qu'une simple scène de cinéma. À l'image du titre du film, la starlette Brigitte Bardot est en train de devenir un mythe vivant au rythme d'un mambo à seulement 21 ans. La petite fille sage se mue en femme fatale sous la baguette magique de son magicien de mari, Roger Vadim. Le rêve de toute jeune fille devenue réalité. Vadim a réussi son coup au-delà de ses espérances. Il vient de donner naissance à un monstre sacré. Bardot déclenche désormais l'hystérie partout où elle passe, comme au Festival de Cannes en 1958. Une cohue indescriptible. Arrive Brigitte Bardot, pour laquelle ce sont des retrouvailles avec le Festival de Cannes. Comme vous pouvez le voir, l'ambiance, les photographes, est absolument ahurissante, extraordinaire. On se demande comment elle va arriver jusqu'en haut, jusque dans la salle du palais du festival. C'est une véritable révolution, l'arrivée de Brigitte Bardot. Alors elle est là, très calme, au milieu de cette foule, et on se demande comment c'est possible de pouvoir résister. Nous sommes portés par une espèce de marée humaine. Quelle folie! Pourtant, cette célébrité, bébé n'en a jamais vraiment rêvé, non? pas plus que de devenir actrice d'ailleurs, et elle n'aurait probablement jamais embrassé cette carrière si sa route n'avait pas croisé celle de Roger Vadim 10 ans plus tôt. La rencontre décisive s'inscrit sur papier glacé en mai 1949. Le joli minois de Brigitte Bardot apparaît alors en une du magazine féminin Elle, pour un numéro intitulé « Vos parents et vous, vos enfants et vous ». Brigitte a 14 ans. Elle pose dans une robe rose longue et bien chaste, les épaules couvertes, une grosse fleur du même tissu sur la poitrine et les cheveux châtain foncé sagement relevés. Elle est l'incarnation de la jeune fille de bonne famille, parfaite et surtout bien rangée. C'est Hélène Lazareff, la mythique rédactrice en chef du magazine, qui a insisté auprès de sa mère, Anne-Marie Bardot, l'une de ses amies, pour qu'elle laisse sa fille poser. Mais comment Roger Vadim, aspirant réalisateur, tombe-t-il sur cette couverture? Comme dans toutes les légendes, il existe plusieurs versions de l'histoire. Était-ce dans la salle d'attente d'un dentiste, ou en confectionnant un avion en papier pour le fils d'ami dont il s'occupait? Bon, finalement, peu importe. Le jeune homme, alors âgé de 22 ans, tombe sur le magazine et Brigitte lui tape instantanément dans l'œil. À l'époque, Vadim est l'assistant du cinéaste Marc Allégret. Ensemble, ils essaient de monter un film à partir d'un scénario qu'il a écrit. Les lauriers sont coupés. Mais ils peinent à trouver une comédienne pour le rôle principal. Or, cette jeune fille-là, en une de elle, pourrait bien être sa Sophie, l'héroïne de son script. Donc, il faut l'auditionner. Sans plus attendre, Vadim fait part de sa découverte à son mentor. Il contacte Hélène Lazareff pour lui demander de les mettre en relation avec Brigitte et ses parents. Totti, sa mère, est d'abord réticente. Le cinéma n'est certainement pas un monde pour sa fille. Mais elle finit par se laisser convaincre, après tout. Cet essai ne débouchera probablement sur rien. Alors autant céder aux caprices de Brigitte et ne pas se fâcher avec elle. Elle accepte donc de rencontrer Marc Allégret. La séance se déroule dans l'appartement du réalisateur. Lorsque mère et fille se présentent, Marc Allégret introduit Roger Vadim sur un ton moqueur. Roger Vadim, il a écrit le scénario. Où il est paresseux, toujours en retard et trop doué pour son âge. Éclat de rire de Brigitte, qui jette des regards en coin ce beau jeune homme, grand, brun, aux yeux verts, qui l'impressionne. Lui-même est soufflé par la jeune femme, comme il explique dans son autobiographie, intitulée « D'une étoile à l'autre », publiée en 1986. Ce qui me frappa chez Brigitte, quand je la rencontrais, ce fut, pour employer un terme de danse, sa tenue, son allure, taille cambrée, port de tête royal, et sa façon de voir. Beaucoup de gens regardent, mais ne savent pas voir. Pendant ce temps, Marc Allégret démultiplie les efforts pour convaincre Madame Bardot de laisser sa fille passer un essai. Bon, cela n'engage à rien, insiste-t-il. La mère de Brigitte cède. Mais le plus dur reste à venir. Il faut maintenant convaincre Monsieur Bardot. Faire du cinéma, la chose est inconcevable pour cette famille bourgeoise. Brigitte a grandi rue de la Pompe, dans le très chic 16e arrondissement de Paris. Son père, Louis Bardot, Pilou pour les intimes, est président directeur général d'une usine d'air liquide. La jeune fille, elle, se verrait bien devenir danseuse étoile. Elle suit, d'ailleurs, les enseignements d'un professeur redoutable, Boris Niassev, ancien maître de ballet à la cour du tsar Nicolas II. Pour ses parents, Brigitte doit surtout faire un bon mariage, épouser un industriel ou un banquier, mais certainement pas faire du cinéma et fréquenter le monde du show business. C'est peu dire que la réaction du père de Brigitte est sans équivoque. Pas de Romanichel dans la famille, aurait-il tonné. Avant de mettre les pieds dans un studio, elle passera sur mon corps, aurait-il ajouté. Mais Madame Bardot a déjà donné son accord. Tant pis, il lève son veto. Plus tard, la jeune fille passe donc le fameux essai. Et c'est Roger Vadim qui lui donne la réplique. Comme on peut l'entendre dans cet extrait, l'essai réalisé par Marc Allégret est en effet diffusé sur l'ORTF le 6 avril 1969. Ça va mieux, hein? Alors viens, dites-moi maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu entres au couvent? Écoute, j'ai pas le temps de m'amuser. Papa va venir me chercher. C'est pour ça que je traversais Paris à vélo sous la pluie. Marc, écoute Marc. Ma mère a jamais voulu te recevoir. Elle est comme ça, c'est Principe Pisseteur, il y a rien. Encore stressé Principe à elle. Je sais. Et papa, c'est autre chose. Il peut comprendre, lui. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Papa va arriver d'une seconde à l'autre. Essaye de lui parler. À la maison, c'est impossible, il ne veut pas contredire maman. Peut-être qu'il a peur, ou il aime sa tranquillité. Ici, ce sera autre chose, tu verras. Je suis sûre que tu peux t'entendre avec lui. Si tes parents ont envie de me voir, qu'ils me le demandent. Je leur parlerai. C'est pas d'orgueil? C'est pas une question d'orgueil. Je t'aime, j'ai pas à supplier tes parents. Quoi tu veux? C'est la première fois que tu me dis que tu m'aimes. Tout ça pour ça, car le film ne se fera jamais. Mais Vadim est convaincu du potentiel d'actrice de Brigitte. Même s'il faut bien le dire, il est un peu seul à le penser à ce moment-là. Alors, coup de cœur professionnel, oui, certes, mais pas seulement. Car les deux jeunes gens se sont beaucoup plu, aux grandes âmes, une nouvelle fois des parents de Mademoiselle Bardot. Et oui, enfin, ce Vadim, qui prétend à leur fille, il n'a ni fortune, ni situation, il vient d'un tout autre monde. Fils d'un aristocrate russe naturalisé français, le prince Igor Nikolaevitch Plemiannikov est d'une mère originaire du sud de la France. Il se retrouve à vivre très modestement avec celle-ci lorsque son père meurt brutalement alors qu'il n'a que 10 ans. Mère et fils s'installent en Savoie où ils subissent eux aussi les malheurs de la Seconde Guerre mondiale. La guerre terminée et son bac en poche, le jeune homme s'installe à Paris. Au départ, pour faire Sciences Po, mais il quitte vite les bancs d'école pour apprendre le théâtre au cours de Charles Dullin. Paris, Vadim découvre surtout les joies et les fêtes du quartier de Saint-Germain-des-Prés. Toute une jeunesse y vit ses premiers instants de liberté après 4 ans de guerre et d'occupation nazie. Dans les caves de jazz et les cafés de la rue Saint-Benoît, le jeune loup est de tous les bons coups avec son grand ami Christian Marquand, aspirant comédien. Il y côtoie François Sagan, Boris Vian, Jean-Paul Sartre et les philosophes existentialistes. Et il vit, bien sûr, d'amour et d'eau fraîche. Car à l'époque, Vadim vivote. Il multiplie les petits boulots, des piges à Paris Match, de la figuration, du cinéma, en assistant le réalisateur Marc Allégret de temps à autre. Bref, une vie de saltimbanque. Tout à fait indigne, en tout cas, du rang de Brigitte Bardot. Pendant 3 ans, M. et Mme Bardot refusent qu'ils se voient sans chaperon. Ils autorisent tantôt des rencontres à leur domicile, tantôt des sorties au cinéma, mais jamais seuls. Les deux jeunes gens, évidemment, ne s'en contentent pas. Alors, ils se retrouvent clandestinement les après-midi quand Brigitte sèche les cours. Christian Marquand, le grand ami de Vadim, lui prête un petit studio meublé dans le 16e arrondissement, non loin de chez Brigitte. Vadim l'aide à imiter la signature de sa mère pour ses mots d'excuse. Que tout cela est romantique, mais rapidement, Brigitte finit par s'impatienter. Se cacher, c'est amusant un temps. Elle veut désormais pouvoir vivre avec Vadim en toute liberté. Mais elle n'a que 16 ans. Face au désespoir de leur fille, ses parents lui promettent de la laisser épouser Vadim, oui, mais si elle attend, c'est 18 ans. De son côté, le jeune homme doit aussi donner des gages, trouver un emploi stable et faire son catéchisme aussi, car il est chrétien orthodoxe. L'affaire est vite réglée, Vadim se fait embaucher à temps plein au magazine Paris Match, où il travaille déjà occasionnellement. 2 ans plus tard, en décembre 1952, les amoureux peuvent enfin convoler en juste noces. Après leur mariage civil, enfin la liberté, croient-ils. Car ils vont bien vite se rendre compte que Louis Bardot n'est pas prêt à céder un pouce aux conventions. C'est Roger Vadim qui raconte l'anecdote dans le documentaire Bardot tel quel d'Alain Bougrain-Dubourg. Les parents, pourtant, avaient été très précis, très stricts. Avant 18 ans, tu n'épouseras pas Vadim. Or, pour elle, la seule façon de pouvoir vivre avec moi était de se marier, non seulement se marier civilement, mais se marier à l'église. Et nous voilà partis à la mairie du 16e arrondissement, et puis on rentre à la maison, et puis le soir arrive, et il est 10h du soir, et je suis assis au bord du lit en train de parler avec Brigitte, qui était elle, en chemise de nuit et prête à vivre sa nouvelle vie de jeune épousée, de femme mariée, lorsque le père, qui s'appelait Pilou, entre, et très sérieusement, avec ses lunettes et son air très digne, me dit: eh bien, Vadim, je crois que la décence maintenant nous recommande de vous demander de quitter cette chambre. Alors, Brigitte change de couleur, elle devient, mais, pourpre. Elle dit: qu'est-ce que tu racontes? Il dit: mais, Chérie, tu ne vas quand même pas laisser Vadim, nous l'aimons beaucoup, comme tu sais, mais rester plus longtemps, ça n'est pas convenable. Mais c'est mon mari. Pardon, demande le père. Il dit, c'est mon mari, j'ai attendu assez longtemps. Il dit, ah non, non, non. Il sera ton mari demain à 12h30, après la cérémonie religieuse en l'église d'Auteuil. Le 4 décembre 1952, à l'église Notre-Dame de Passy, c'est le grand jour. Dans les travées de l'église, une drôle de faune se mélange. La bourgeoisie du 16e arrondissement côtoie les artistes et les copains de Paris Match en dimanche, ou plutôt déguisés en pingouins, hein, quand même, à le dire, Vadim. Lorsqu'elle franchit l'allée principale au bras de son père, Brigitte irradie toute l'église dans sa robe blanche immaculée. Sur ses joues coulent deux larmes d'émotion. Elle obtient enfin ce qu'elle attend depuis des années, épouser Vava et vivre en toute liberté avec lui. C'est chose faite, quelques jours plus tard, le couple s'installe dans un petit appartement de la rue Chardon-Lagache. Dans le même temps, les photos du mariage ont été largement diffusées dans la presse, en particulier dans Paris Match, où elles occupent 4 pages. Une couverture d'ordinaire réservée aux stars. Pourtant, en cette année 1952, Bardot comme Vadim sont d'illustres inconnus pour le grand public. Brigitte a bien commencé à tourner au cinéma, mais personne ne connaît son nom. Alors, simple geste amical des amis du magazine ou stratégie de Vadim pour commencer à faire connaître sa femme? Car le jeune homme croit toujours dur comme fer au potentiel de Brigitte que le virus des 7e art n'a toujours pas piqué. Mais l'expérience amuse et elle comprend dès le début de leur relation que le cinéma lui permettra de passer plus de temps avec son amoureux. Vadim veut tourner? Parfait, elle aussi. Brigitte laisse tomber ses rêves de ballerine pour tenter sa chance sur les plateaux. Alors quand un ami de son père lui propose de jouer dans le Trou Normand, côté de Bourville, Brigitte Bardot accepte. D'autant que les temps sont durs, Vadim gagne tout juste de quoi faire vivre le couple. Elle sait qu'elle doit gagner sa vie, acquérir son indépendance financière. Et le cachet de 200 000 anciens francs pourrait bien l'aider. Bon, le Trou Normand est loin d'être un chef-d'œuvre. La toute jeune actrice y interprète une petite peste qui abuse de la confiance d'un paysan, joué donc par Bourville, pour récupérer son héritage. En septembre 1952, Brigitte Bardot fait donc ses premiers pas sur le grand écran. Le premier jour, je fus séduit par tes fines attaches. C'était sur le marché, au milieu d'un troupeau de vaches. Moi, c'est bien par hasard que sur le marché, j'étais venu pour acheter des cochons, mais c'est toi que j'ai voulu. Brûlant de fièvre, j'ai pris tes lèvres et j'ai chanté, pensant soudain aux magazines américains. Tu es ma pin-up girl la plus belle, et moi je suis ton petit boy pin-up. Je te chanterai des ritournelles mieux que ne le ferait un pick-up. Tu sais que jamais je n'exagère, du rythme nouveau je suis le roi. Il n'y a que les blouses qui m'exaspèrent. Oui, mets-toi des blouses, tu n'en mets pas. Wadadidou, didida, wadadidou, didida. De tous les petits pinups, je suis le roi. Un beau jour à minuit, mon cœur fut mis à rude école. Le drame s'est passé au bal du comité agricole. Devant mes yeux mouillés, avec un grand américain, tu usas de tes dons dont tu usais si bien. Coup d'œil acide, lèvres humides. En partant avec ton GI, tu m'as simplement fait bye bye. Bye bye ma pin-up girl infidèle. Sans consulter l'Institut Gallup, je trouverai bien une autre belle dont je serai le petit bye pin-up. J'ai peut-être le physique un peu rude, mais je plais, je crois, tel que je suis. De plus, j'ai le certificat d'études du doigté des économies. what daddy do, didida, what daddy do, didida. De tous les petits pinups, je suis le roi. Petite pinupe par-ci, petite pinupe par-là. De tous les petits pinupes, je suis le roi. Oh Hippolyte! Ça va? Quoi? Hein? Vous le connaissez? T'as pas honte de danser alors que l'on vient de mourir et puis t'habiller en couleur? Toi, tu es fou, fiche-moi la paix! Ah, c'est une façon. Tu vas voir, il va revenir la nuit pour te tirer par les pieds. Oh, écoutez, laissez mademoiselle tranquille, elle dansera si ça lui plaît. Oh, d'abord, mademoiselle, c'est ma cousine Jabote. Alors je peux lui parler, non? Écoutez, mon petit ami, vous n'avez pas le droit d'être malpoli et surtout d'embêter tout le monde. Hein? Je te la fais un plaisir de filer d'ici immédiatement, toi! Je hein? partirai d'ici qu'avec toi! Oh! Allez, allez, allez voir dehors si j'y suis! Ah! Rester ici. Ah, tu veux rester ici, oui. Hein? Ah, mais moi, je vais te faire honte devant tout le monde. Ah. Vous voyez ce grand dadé, ce imbécile, là? C'est Hippolyte de Courteville. Tu vas l'avoir. Il est tellement bête, tellement ignorant qu'il est obligé de retourner à l'école pour apprendre l'alphabet. Oh, mais monde de 5 ans! C'est pas vrai, je fais des devoirs à des problèmes difficiles. Le périmètre, le volume, la surface, le décamètre. Ah, ouais. Des choses que tu comprendrais pas toi-même. Oh, et puis peut-être pas vous non plus. Cette scène chaotique est extraite du Trou Normand. Brigitte Bardot n'est pas au sommet de son talent, c'est le moins qu'on puisse dire. Sa voix n'est pas posée, son ton est monocorde, elle parle trop haut. C'est le devenir, une grande actrice. Elle a encore du pain sur la planche. Alors, Vadim lui fait prendre des cours de diction. Et il a une intuition. Une star moderne doit être authentique, sans chichi. Il va alors s'employer à faire connaître sa femme telle qu'elle est, par tous les moyens possibles. Aux journaux, il envoie des photos de Brigitte légendées par ses soins. Liane, lascive, à la boue boudeuse, ou encore l'impossible rêve des hommes mariés, l'arrogant. Quelques mois après leur mariage, alors qu'il part à Cannes pour couvrir le festival pour Paris Match, il emmène Brigitte. Aux producteurs, journalistes et autres acteurs qu'il rencontre, il ne cesse de glisser un mot sur sa femme. Et il n'a pas beaucoup plus à faire, car la jeune fille de 18 ans intrigue. Elle devient starlette alors qu'elle n'a presque aucun film à son actif. Une jet-setteuse, dirait-on aujourd'hui. Brigitte commence à se faire un nom, tout de même, et tourne de plus en plus. Souvent dans des navets d'ailleurs, rarement dans des rôles de premier plan. Si Versailles m'était compté, de Sacha Guitry, le portrait de son père, d'André Berthomieux, les dents longues, de Daniel Gélin, bon, rien de très marquant. Mais sa photogénie, son naturel et sa taille fine font fureur à la une des magazines. D'autant que la starlette s'affirme de plus en plus. Elle s'habille à sa guise, dit ce qui lui chante, bref, elle est en pleine métamorphose. Bardot commence à imprimer son style. Et les efforts de Vadim commencent à payer. Mais à force d'œuvrer pour la carrière de sa femme, n'a-t-il pas oublié ses propres ambitions, devenir réalisateur? D'ailleurs, il est souvent présenté comme Monsieur Bardot. Ce qui lui plaît de moins en moins, son métier de reporter à Paris Match le barbe royalement. Allez, assez joué le gendre idéal, il doit se ressaisir. Fin 1954, c'est décidé, Roger Vadim se met en congé de Paris Match et s'attelle à l'écriture de scénario. Il collabore au texte du tout nouveau film de son mentor, Marc Allégret, future vedette. Jean Marais tient le haut de l'affiche, il joue le rôle d'un professeur de chant du conservatoire de Vienne qui suscite les convoitises de ses jeunes élèves et il devient l'amant de l'une d'entre elles, Sophie. Le rôle est confié, comme c'est étonnant, à Brigitte Bardot. J'avais tort de te considérer comme une toute petite fille. Vas-y. Mais si vous ne commencez pas à jouer, je ne peux pas chanter. Ne bouge pas. Tu es belle. Ce qui est rassé, c'est ta ligne des hanches. Une main nerveuse. Tu es presque troublante. Oh, presque? Tu n'es encore qu'une esquisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu seras très belle. Après. Plus tard, quand tu seras une femme, une vraie, tu connaîtras l'amour. Derrière Jean Marais, on sent bien la patte de Vadim et son obsession de promouvoir sa femme. Petit à petit, Brigitte prend du galon et passe du rang de starlette à celui de vedette. « J'avais gagné ma première bataille », écrit Vadim dans ses mémoires. Mais Brigitte n'a toujours pas joué le rôle, celui qui fera d'elle une star. Vadim, de son côté, n'a toujours pas atteint son deuxième objectif, réaliser un film. Il continue à participer à l'écriture de scénarios, mais sa carrière stagne. Jusqu'à ce qu'il fasse une rencontre décisive. Il croise en effet la route de Raoul Lévy, un jeune producteur aventurier. L'homme n'a pas les fonds pour produire un film à gros budget, mais il est joueur et prêt à tenter un coup. Il mise donc sur Vadim et sa femme, Brigitte Bardot. Il détient alors les droits d'un scénario, Le Petit Génie, et propose à Vadim de l'adapter au cinéma, ce que l'intéressé accepte, bien évidemment. Mais il a du mal à en tirer quelque chose, et il commence à se décourager. Brigitte lui propose alors de l'accompagner à Rome, où son agent lui a organisé un rendez-vous avec un producteur italien. Au sein du couple, la passion n'est plus vraiment là. Mais la jeune femme, désormais âgée de 21 ans, le fascine toujours autant. Un soir, le couple sort dans un club, la Casa de l'Orso. Une soirée qui va tout changer. C'est Roger Vadim qui le raconte dans ses mémoires intitulées « D'une étoile à l'autre ». J'étais assis et la regardais danser. Elle était radieuse, éblouissante, exudant cette incroyable sensualité, femme, animal, œuvre d'art. Elle resta sur la piste un peu plus de 2 heures. C'est à ce moment que je me souvins d'un fait divers très inhabituel. Le procès d'une jeune fille qui avait été tour à tour la maîtresse de 3 frères. Elle avait tué l'un d'eux. Ce n'est pas le meurtre, mais le caractère de la jeune criminelle qui m'avait frappé. Son attitude face au jury, ses réponses aux avocats et aux juges. Ce fut une illumination. Je tenais le sujet de mon film pour Brigitte. Le lendemain matin, surexcité, Vadim saute dans sa voiture et conduit d'une traite jusqu'à Paris où le retrouve Raoul Lévy. Pendant 1 heure, il lui fait part de son idée. Lévy est conquis. Roger Vadim se lance alors dans l'écriture du scénario de son premier film qui sera intitulé « Et Dieu créa la femme ». Raoul Lévy voit déjà grand pour le film de son protégé. Il veut le faire tourner en couleur et cinéscope. Très ambitieux pour un premier film, qui plus est, sans tête d'affiche. Car répétons-le, Brigitte Bardot n'est pas encore une star. On suggère alors à Raoul Lévy de faire l'appel à Kurt Jürgens, un acteur allemand très connu à l'époque. Problème, l'homme n'est plus tout jeune et aucun rôle ne lui correspond. Eh bien, Vadim va lui en tailler un sur mesure, en une nuit. Jürgens est séduit et accepte de participer au projet. Quelques mois plus tard, alors que s'ouvre le Festival de Cannes de 1955, Vadim est prêt à tourner le film et il suscite déjà la curiosité des journalistes. En témoigne cette interview de Brigitte Bardot à la radio. La charmante et gentille Brigitte Bardot, et à Cannes, quand on dit gentille, ça compte, parce que tout le monde ne l'est pas, est donc à notre micro. Et je crois que les festivals de Cannes ont compté beaucoup pour elle dans sa carrière. Beaucoup. Je suis très reconnaissante au festival, ça. J'ai eu vraiment... On n'a pas cessé de vous photographier. Non, c'était merveilleux, j'étais ravie. Alors actuellement, non seulement vous êtes au festival en visiteuse, mais je crois que vous allez tourner dans la région. Oui, je pars ce soir parce que je commence le film de mon mari, la première mise en scène de mon mari, oui. Dans 8 jours. Ça vous donne un peu le trac de tourner avec votre mari ? Oh non, je suis très contente. Il n'y a pas meilleur metteur en scène que son mari. Et ce serait curieux de savoir quel personnage il a inventé pour vous. Et une personne qui est un peu fatale, un peu douce. Un peu vente, oui. Vous aimez ça, dans le fond, oui, j'aime bien. Le tournage du film débute le 3 mai 1955. Les intérieurs sont tournés à Nice dans les studios de la Victorine. Mais une grande partie du film est réalisée en extérieur, ce qui est rarissime à l'époque. Vadim a choisi pour cela un village de pêcheurs, alors inconnu, Saint-Tropez. C'est Brigitte qui lui a fait découvrir ce lieu. Ses parents y possèdent une maison où ils passent leurs vacances. La cité est pittoresque. Au port, il n'y a qu'une épicerie, une pharmacie et une librairie. L'intrigue met en scène Juliette Hardy, une jeune orpheline de 18 ans qui tient la librairie de ses parents adoptifs, les Morins, à Saint-Tropez. D'une beauté provocante et sensuelle, la jeune femme désinvolte attise le désir des hommes du village, bien sûr. Notamment d'Eric Carradine, alias Kurt Jurgens, le propriétaire d'une boîte de nuit en vogue. Mais Juliette est amoureuse d'Antoine Tardieu, joué par Christian Marquand. Par dépit, elle finit toutefois par épouser son frère, Michel, incarné lui par Jean-Louis Trintignant, mais elle devient la maîtresse d'Antoine. Voici comment Roger Vadim parle de son personnage au micro de Luc Berrimont dans l'émission Avant-première sur la RTF le 25 novembre 1956. Vadim, il semble que vous vous soyez livré là à l'étude d'un personnage assez curieux, enfin l'étude de la jolie fille. C'est pas exactement de la jolie fille, c'est plus exactement un personnage de jeune fille assez actuel et que je connais bien, parce qu'il y en a beaucoup plus d'exemplaires qu'on ne le pense, aussi bien en province qu'à Paris et même qu'à l'étranger, et qui est un personnage très physique, très direct, très naturel, très sensuel. Mais sensuel pas seulement sur le plan amoureux, sur le plan des rapports entre hommes et femmes, mais sensuel sur tous les plans de la vie. Elle aime la musique, elle aime le danger. Des personnages qui sont très directs et qui n'ont aucune excuse sociale, si vous voulez, à cette espèce d'instinct physique qui les domine. Elles n'aiment pas particulièrement l'argent, elles ne sont pas particulièrement intéressées. Une sorte d'explosion intérieure De vie. Brigitte ne devient pas son personnage, Juliette Hardy non, c'est l'inverse. Elle prête ses traits et ses habits à Juliette. Elle utilise d'ailleurs des vêtements qu'elle a elle-même choisis, comme cette blouse grise qu'elle porte, descendue sur les épaules. Et pour tirer le meilleur de sa femme, Vadim tourne les scènes du film dans l'ordre chronologique et ne les fait pas rejouer plus de deux fois. Avec son partenaire, Jean-Louis Trintignant, c'est loin d'être le coup de foudre. Brigitte a même trouvé tarte le jeune comédien, la première fois qu'elle l'a rencontré. Mais au fil du tournage, elle s'éprend de lui dans la caméra et sous le regard impuissant de son mari. Ironie de l'histoire, en sublimant l'actrice, Vadim est en train de perdre sa femme. Et leur histoire, en effet, s'arrête net, au moment même où il est en passe de réussir son double pari, rendre Brigitte Bardot célèbre et devenir un réalisateur reconnu. Le 4 décembre 1956, « Et Dieu créa la femme » sort dans trois salles à Paris. Le Rex, le Normandie et le Moulin Rouge. L'affiche sulfureuse donne le ton. Brigitte Bardot y est représentée à moitié nue, la tête renversée, ses longs cheveux blonds couvrant ses seins. Le slogan publicitaire est aguicheur et prometteur. « Dieu créa la femme et le diable bébé ». Dès la première scène du film, Brigitte apparaît nue, en train de bronzer derrière un drap blanc. Kurt Jurgens arrive, une maquette de voiture à la main. Vous avez des pieds de marquise. Monsieur Carradine, vous avez un culot du diable. J'ai apporté la pomme. Quelle pomme? La tentation. J'avais dit que je vous offrirais peut-être une voiture. Vous avez une voiture pour moi? Oui. Elle est là? Je suis venu avec. Qu'est-ce que c'est? Une Simca rouge décapotable. Où est la voiture? Vous m'avez bien mis. Pas encore. Scandale dans la France puritaine des années 50. Certains passages choquent, comme cette scène d'amour entre Juliette et Michel. Tout jeune marié, il suggère l'acte sexuel de façon très explicite. Mais bizarrement, c'est un autre passage, juste après, qui va hérisser la censure. Juliette et Michel ont séché leur banquet de mariage pour le consommer. Juliette redescend pour récupérer des victuailles à apporter à son mari affamé. La scène sera coupée. Pour la critique, le film est d'une nullité confondante. Il prouve que le tortillage de croupion peut être considéré comme un des beaux-arts, peut-on lire dans Le Canard enchaîné, par exemple. Seuls les critiques des Cahiers du cinéma expriment leur enthousiasme. Jacques Doniol-Valcoz écrit « Bardot est magnifique, et pour la première fois totalement elle-même. » Et pour Truffaut, il y a eu James Dean ? Eh bien, il y a Brigitte Bardot. Elle est le lieu géométrique de la moitié des jeunes filles que nous avons connues depuis 10 ans. En France, l'enfance et Dieu créa la femme manque d'abord son rendez-vous avec le public. Le film ne fait que 180 000 entrées. Mais sorti aux États-Unis l'année suivante, il déplace les foules et déchaîne les passions. 8 millions d'Américains se pressent dans les salles de cinéma pour admirer Bébé. À elle seule, l'actrice rapporte plus de deniers à la France que la régie Renault. Réhabilité, le film ressort en 1958 et rencontre cette fois le succès. Il n'en fallait pas moins pour achever de construire le mythe Brigitte Bardot. Il durera jusqu'à ce que l'actrice elle-même claque la porte du cinéma et les frasques du showbiz. Elle s'en est allée, comme ça, brutalement, n'écoutant que ses seules volontés, en femme libre. Je me donne à qui me plaît, ça n'est jamais le même, mais quoi que celui qui n'a jamais bavé me jette le premier pavé. Je n'avais qu'un unique amour, celui-là m'a joué un sale tour. Je ne m'en porte pas plus bête, fini Roméo et Juliette. À tout je leur file un rencard, là-bas l'ombre du hangar, où j'ai rangé mes poèmes, mes amours et ma bohème. Je les mets tous dans le même taco et bousculés par même KO. Ils s'y brisent le cœur et les reins, et moi je trouve ça très bien. Si tu passes un jour dans ma rue, peut-être que je t'en mettrai plein la vue. Mon piano donne sur la cour, t'entendras ma chanson d'amour. Et comme ça rien qu'en passant, tu seras un peu mon amant. T'auras le meilleur de moi-même, car je ne chante que ce que j'aime. Je le chante à qui me plaît, ça n'est jamais le même. Mais quoi, faut avoir vécu sa vie? Non, je trouve que ça n'est pas si... Quoi? France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Bardot, Vadim, notre invité Clément Gis, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste de cinéma, un critique cinéma pour M, le magazine du journal Le Monde, et l'auteur du roman Vadim, le plaisir sans remords, publié chez Stock l'an dernier. C'est votre premier livre ? Absolument. Bien. Pourquoi un roman ? Vous auriez pu écrire une biographie, puisque ce sont des gens qui existent et dont l'histoire est vraie. Alors, je le vois plutôt comme un récit, moi. J'ai voulu raconter le récit de toutes ces... de toutes ces personnes, de tous ces événements réels, mais dont je trouve qu'il y a quelque chose de très romanesque. Enfin, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très romanesque, et je trouve que tout ce qu'on vient d'entendre dans votre récit de la dernière demi-heure le montre. Il y a de l'érotisme, il y a de... Du rêve, il y a de la mode, il y a de l'industrie, il y a tout. Enfin, je trouvais qu'il y avait un espèce de mélange dans le parcours de Vadim, quelque chose de formidablement, peut-être balzacien, enfin, comme un héros comme ça qui traverse plusieurs... époques, périodes, milieux, et qui a toujours une espèce de... une forme de destin. Destin, exactement. J'allais parler que ce qui est romanesque, ce qui est prévu, le déterminisme, en fait. Mmh. Et c'est bien le cas pour Brigitte Bardot, qui est une fille de bourgeois du 16e arrondissement, qui se retrouve à faire du cinéma dans les conditions que l'on sait. Elle voulait pas être une star, une actrice. Est-ce que ça explique le fait qu'elle ait claqué la porte comme ça, d'un seul coup? Aussi. Sans doute. Je pense qu'il y a quand même, comme toutes les grandes stars d'ailleurs, peut-être comme on pourrait probablement dire la même chose de Brando ou de Liz Taylor, quelque chose d'accidentel. Ouais. Il y avait une très belle archive tout à l'heure. À Cannes. Quand elle dit « Je suis ravi ». Je suis ravi. Ouais. Et il y avait une autre archive aussi à Cannes où le journaliste disait, on se demande comment c'est possible. Et c'est vrai, je trouve qu'on pourrait dire ça de Bardot. On se demande comment un tel choc Bardot a pu être possible. De la même manière qu'on peut se demander comment un tel choc Brando ou un tel choc Depardieu, voilà, c'est des choses accidentelles, rien n'était prévu pour que Bardot arrive. Alors, on le voit dans le récit, hein, la carrière de Roger Vadim, parce qu'on a parlé aussi de Vadim, en tant que réalisateur, ne démarre pas vraiment avec Et Dieu créa la femme. Alors, dans quelle mesure le succès du film tient-il à la personnalité de Brigitte Bardot? Est-ce que c'est elle qui est le film, finalement? Est-ce que Et Dieu créa la femme sans Bardot? Bah, Dieu créa rien, quoi, en gros. Rien sans Bardot, mais aussi rien sans Vadim, rien sans ce couple, comme vous concluez votre récit dessus, rien sans cette histoire de ce couple, cette histoire d'amour, mais qui se délite sous nos yeux de spectateurs, rien non plus sans cette époque où les jeunes gens allaient dans un village où il n'y a personne d'aller qui était Saint-Tropez, ce qui paraît maintenant très cocasse. Il y a maintenant au moins 10 pharmacies, 15 librairies. Voilà. Rien sans ces lumières, scope, rien sans beaucoup de choses, rien sans même ces figurants, rien sans Christian Marquand, rien sans l'ambiance du tournage où Françoise Sagan passait, et voilà. Et Dieu crée la femme a aussi une dimension accidentelle, comme tous les contes de fées. Comme tous les contes de fées, c'est pas normal que la princesse s'endorme et soit réveillée par un baiser. Bah là, c'est pas normal. C'est beau la normalité. Hein. La normalité fait les grandes choses. On a intitulé l'émission Et Vadim créa Bardot. Aurait-on pu l'appeler Et Bardot créa Vadim? Absolument. Bon. Je pense que ce sont les deux se valent. Pourquoi cette image de grand créateur du mythe Bardot est-elle si ancrée concernant Vadim, au bout du compte? Parce que, effectivement, le mythe Bardot, il est constitué par ce destin-là, hein, lié au hasard. Il est constitué aussi par sa vie d'après. On a l'impression que le créateur de Bardot, c'est Vadim. C'est vrai ou pas? Moi, je pense pas. Tout simplement parce que je pense pas qu'une femme soit créée par un homme, pas plus qu'un homme n'est créé par une femme. Ce qui est sûr, c'est que l'un et l'autre ils se sont rencontrés, ils étaient extrêmement jeunes, elle était quand même adolescente, il était un peu plus âgé qu'elle, mais il n'était pas non plus, c'est pas un adulte. Donc ils se sont aimés follement, ils l'ont tous les deux dit jusqu'à la fin de leur vie, ils se sont aimés et ils ont mûri en fait ensemble, et en se regardant l'un l'autre, vous mentionnez tout à l'heure dans votre récit le regard que Bardot, jeune fille de 14-15 ans, portait sur ce jeune homme de 19 ans, magnifique, qui avait absolument rien à voir avec tous les gens du 16e arrondissement qu'elle avait vu, et à l'inverse, lui qui voyait pour la première fois une espèce d'apparition magnifique, ils se sont améliorés, changés, voilà, nourris l'un l'autre. Elle est quand même devenue blonde devant lui. Lui, il est peut-être devenu peut-être plus posé. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. On veut. Alors évidemment, on a souvent posé la question à Brigitte Bardot. Alors Vadim vous a créé. On va écouter ce qu'elle répondait, notamment dans l'émission Actuelle 2 du 9 avril 1974, interview réalisée par Lucien Baudard. Est-ce que vous devez beaucoup à Vadim? Est-ce que c'est lui qui vous a formé psychologiquement et moralement? Et où est-ce que vous avez vécu d'une façon conforme à ses leçons? Et maintenant, est-ce que vous le retrouvez avec plaisir? Je crois que Vadim et moi, nous nous devons beaucoup mutuellement. Parce que il est arrivé un moment où il a pu me faire tourner un film qui était Dieu créa la femme, qui m'a permis d'être absolument comme j'avais envie d'être. C'est-à-dire à l'époque, on maquillait les actrices, on les coiffait. Moi, j'avais envie d'être libre, naturelle, de jouer comme j'avais envie de jouer, c'est-à-dire à l'époque très mal. Et lui, en même temps, il a pu, par la même occasion, prouver qu'il était un merveilleux metteur en scène. Oui, moi je crois que si je n'avais pas eu en moi les éléments, Vadim n'aurait pas pu créer de toute pièce un robot qui l'aurait poussé comme ça dans le monde du cinéma, où je serais tombée une année ou six mois plus tard. Enfin, on n'aurait plus jamais entendu parler de moi. Ce qui est étonnant quand on écoute Brigitte Bardot, c'est que derrière ce côté ingénu, il y a de l'intelligence. Mais c'est ce qu'elle dit est très juste dans cette partie. Et souvent, quand elle est interviewée, il y a ce décalage entre cette nunuche, qui peut apparaître comme une nunuche, mais qui est une femme intelligente. D'ailleurs, faut être intelligent pour être libre. Hein. Elle faut être intelligent pour être libre, faut être intelligent pour assumer cette liberté. Et cette archive le prouve. Ah oui. Elle est quand même, quand elle dit qu'elle n'est pas un robot, c'est quand même extrêmement juste. Et elle va à l'encontre de 25 ans qui se sont passés derrière elle, de machisme, de bon machisme médiatique, il n'est pas que français, il était mondial, de dire qu'elle avait été, que c'était juste une marionnette dans les mains d'un homme réalisateur, et ensuite d'autres hommes réalisateurs. Brigitte Bardot, c'est quand même une star absolue française qui vit sa liberté, qui ne dépend pas d'un homme, qui n'a pas été tant que ça associée à d'autres hommes. Les hommes qui, avec qui elle a été mariée ont toujours été des monsieur Bardot, que ce soit Charrier, Gunther Sachs, monsieur Dormal maintenant, mais c'est toujours des monsieur Bardot. Brigitte Bardot, c'est une femme libre. Alors, elle va jusque dans les limites de sa liberté, peut-être aujourd'hui, mais c'est pas à moi de le dire, d'ailleurs, de le juger. Mais je pense qu'elle a une intelligence assez rare sur sa propre liberté. Et je pense, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit pendant des années, qu'elle a une intelligence de jeu à l'écran qui est assez unique. Alors justement, j'allais venir à cette question. Était-elle, parce qu'elle n'est plus actrice depuis longtemps, une bonne actrice? Avait-elle... Moi, j'ai le sentiment qu'elle avait l'intelligence du rôle, qu'elle comprenait ce qu'elle disait. Vous allez me dire, c'est la moindre des choses pour un acteur, c'est pas toujours complètement le cas. On est d'accord ? On est d'accord, et par ailleurs, je pense qu'elle a eu un très grand talent comique. Il y a notamment un film de Vadim qui est complètement oublié, mais pour beaucoup de raisons, mais qui s'appelle La Bride sur le cou, qui est un film extrêmement drôle, où elle est très drôle. Je pense qu'être une actrice... Je dis ça, ça prend un autre regard par rapport à l'affaire l'affaire MeToo, mais être une actrice, c'est aussi savoir s'opposer au réalisateur parfois, ouais. Pas seulement pour des questions de harcèlement, mais aussi sur des questions de choses qu'on a envie de faire et pas faire. Des choix artistiques, des choix de dialogue, des choix de costume, des choix de scène qu'on peut faire ou pas faire. Et elle l'a beaucoup fait avec Godard, et ils se sont détestés sur le tournage du Mépris, et je pense que c'est une forme très précise d'intelligence de jeu. Clément Gis, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Weekend Hurt You. Now I know relationships my enemy. So stay away from me. I'm warning you. You try to fill the void with every man you meet. Cause you're upset with me. I'm warning you. Cause all the nights you slept alone, drying your arms. And all the nights you thought about taking your life. Cause if it's love you want again, don't waste your time. But if you call me up, I'm fucking you on side. I don't wanna hurt you. I'm Clément Gis, on a parlé des qualités d'actrice de Brigitte Bardot. Parlons des qualités de metteur en scène de Roger Vadim. Parce qu'il y a toute une histoire, mais on n'oublie pas quand même que ce sont des gens de cinéma et on va avoir une analyse critique sur leur art. Vadim était-il un bon réalisateur? Alors, c'est une grande question. C'était, je pense, un réalisateur qui a, pendant une dizaine d'années, de Et Dieu crée la femme jusqu'au milieu des années 60, absolument collé à son époque. Il faisait des films tels que son époque le voulait. Mmh. Ce qui, en soi, est une qualité. Et ce qui est assez rare. Ce n'était pas un réalisateur avant-gardiste, comme pouvaient l'être ses camarades, puis ennemis, puis compères de la Nouvelle Vague. Et il y a des... Je trouve des très bons films de Vadim, et il y a aussi des très mauvais films de Vadim. L'archive que vous montriez tout à l'heure de... que vous les faisiez entendre de Brigitte Bardot en 74, c'est donc au moment de la sortie de Don Juan en 73, qui est donc leur dernier film ensemble, qui est un film qui est considéré par tout le monde comme très mauvais. Alors c'est moi là, c'est pour avoir beaucoup vu, revu, étudié, ouais. Je trouve que c'est un film qui est très émouvant sur cette relation Bardot-Vadim et de voir comment elle change et de voir même le corps de Bardot changer. Elle est considérée comme vieille dans le film et dans la presse de l'époque, alors qu'elle avait, je crois, 39 ans ou 40 ans. Ce qui dit quand même quelque chose aussi du regard que qu'une société porte sur le corps féminin, donc de l'actrice. Pour ce qui est des qualités de Vadim, il y a quelque chose comme dans mon enquête et dans tout ce que j'ai pu comprendre autour de lui, c'est que je ne sais pas si c'est une qualité de cinématographique, mais ce qui est sûr, c'est que les gens aimaient tourner avec Vadim. Les gens technicien, acteur, actrice, tout le plateau était heureux avec lui. Mm. Et je sais plus quelle actrice, évidemment, le nom m'échappe, mais a dit je faisais ces films parce que c'était agréable. Et alors, c'est pas ça qui fait rester dans l'histoire en tant que cinéaste, mais je trouve que ça dit quelque chose et de sa personnalité, ce qui est une chose, mais aussi de cette époque-là qui célébrait aussi tout simplement une espèce de Dolce Vita et de plaisir de vivre au quotidien, quoi. Votre livre s'intitule « Le plaisir sans remords ». Qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre ? C'est la définition du bonheur selon Socrate. Ça, c'est simple. Je l'ai volé à Socrate. D'accord. Non, l'idée, c'était d'essayer de comprendre. En faisant le portrait de Vadim, en racontant son parcours, j'ai aussi voulu comprendre une époque. Et une époque qui n'est pas du tout la mienne, qui est peut-être celle de mes parents, ou peut-être plutôt encore celle de mes grands-parents, essayer de comprendre comment notre époque aujourd'hui, qui est sans soi-disant malheureuse, etc., prend toujours cette époque-là en modèle. Ouais. Cette époque de Saint-Germain, de Saint-Tropez, de Rome, de tout ce qu'on veut, de Swinging London, etc. ensuite. Et j'ai voulu essayer de comprendre c'était quoi cette Dolce Vita, cette époque où le plaisir n'avait pas de remords par rapport à aujourd'hui, où tout moment de plaisir doit... Je pense, en tout cas, je le vis comme ça, on est censé avoir du remords, si ce n'est du regret, sur nos moments de plaisir. C'est un joli résumé de ce que fut une époque et de ce qu'est notre époque. Je vous en remercie, Clément Gis, donc auteur de ce livre, Vadim, le plaisir sans remords. Et la morale de l'histoire que vous venez de donner, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Vadim Bardot et Dieu créa la femme. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Julien Michel qui était à la technique aujourd'hui.